Conte de fées en français. Le papillon. Il était une fois une chenille sur un arbre. En fait, ce n'était pas la créature la plus heureuse qui soit. Elle détestait son corps lent, volumineux et encombrant. Regarde ces abeilles. Regarde ces fourmis. Et maintenant, regarde-moi. Oh, j'aimerais tellement pouvoir voler ou courir comme elles. Mais elle avait beau essayer, la chenille ne pouvait pas voler. Elle ne pouvait que continuer à ramper et manger des feuilles avec voracité. Les vilaines fourmis ne l'aidaient pas du tout. Hé, la chenille pâte à pouf qui s'empiffre comme tu manges! Fais une pause et laisse-nous quelques feuilles au moins. Je n'y peux rien. J'ai tout le temps faim. Écoute, ma grande, mange. On en a besoin quand on grandit, tu sais. Et elle va encore grandir beaucoup, mamie, tu crois? Oh, oui, encore pas mal. Et elle va grandir d'une telle façon que tu ne la reconnaîtras même pas. Tu verras. Mange et porte-toi bien. Ne laisse pas les autres t'embêter, d'accord? Merci, mamie. Mais je n'aime pas beaucoup, tu sais. Oh non, n'insulte pas Mère Nature en disant de telles choses. Parce que tu sais, mon cher,